Et maintenant, bon. C'est l'interview explosive. J'espère que ça va te faire rire. Brigitte. Bah, je ris jamais, moi. Ça. Comme tu es la voix de Oui Oui et que tu es venue nous parler de Allô, c'est Ninou, je vais te faire une interview ni Oui ni Nous. Très bien. Bon, faut pas dire Oui ni Nous. Ni ou ni. Tu es contente d'être avec nous ? Ni non. En tout cas, nous on est très heureux de t'avoir avec nous. Moi, j'ai le droit de le dire. Je suis ravie. Ah. Alors, lorsqu'on t'a proposé de doubler Oui Oui, tu as dit oui tout de suite ? J'ai dit faut voir. Pour les canulars téléphoniques, t'avais pas peur que ça dérape un moment ? Bah, en fait, si. J'adore ce jeu. C'est pas trop dur de bosser avec son mari ? Je l'aime pas du tout, mais si tu veux, il y a de l'intérêt en ce qui me concerne. Financier ? Bah, évidemment. Dernière question, tu reviendras nous voir ? Certainement. Brigitte Lecordier était notre invitée. Merci à elle d'avoir joué le jeu. J'aurais perdu dès la première. Moi aussi. On rappelle que Brigitte, c'est la voix de Sangoku. On va se faire un petit nuage magique, si tu le veux bien. Pour Japan FM et pour tous nos auditeurs. Je ferai tout pour Japan FM. Et pour de... Allez. Pour Japan FM. Et pour Pantoufle Explosive. Et pour Pantoufle Explosive. Nuage magique. Ouais. Merci à Brigitte Lecordier. Oui. J'ai une demande sur Facebook qui voudrait que Natsu et Sangoku fassent une fusion. Est-ce qu'on peut faire une fusion? Fusion. Attention. Mais attends, ça se prépare une fusion. Ah bah oui. Ouais. T'es prêt? Ouais, allez. Attention. Vous avez faire à la Corée. Ouais. Hop. Si tu te trompes, on devient des cochons. Hein. D'accord, on va faire gaffe. Alors, attention. Fusion. Ah oh là là là là là là. C'était magique. Ouais.